Exercice 8, page 152. A. Je suis chilienne. Transformer. Je suis chilienne. B. Je suis châtain. Transformer. Je suis châtain. C. Je suis charmante. Transformer. Je suis charmante. D. Je suis jolie. Transformer. Je suis jolie. E. Je suis gentille. Transformer. Je suis gentille. F. Je suis jalouse. Transformer. Je suis jalouse.